Quelle aventure ! Dans son rigorisme, le duc de Parme a bel et bien ordonné le mariage immédiat. Voici Jacquette, sous l'apparence de Jacquet, contrainte d'épouser la comtesse Bianca. Certes, les conjoints ne sont guère satisfaits, mais le plus à plaindre est encore le chevalier Pomponio. Nous le retrouvons quelques heures plus tard dans le salon de réception du palais ducal. C'est une grande pièce richement meublée qui possède un très grand nombre de portes. L'une donne sur la galerie du palais, deux autres desservent les appartements. Il y a même dans un angle une petite porte secrète. Pomponio, assis sur un grand fauteuil devant la cheminée, pousse de tels soupirs. Oh, mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Oh, chevalier Pomponio ! Mais quoi donc ? Ça ne va donc pas ? C'est vous, capitaine ? Perpignac ? Perpignac, oui, c'est moi. Non, ça ne va pas. Quand je pense qu'en ce moment, un autre est en train d'épouser ma future. Oh, pauvre chevalier. Mais ce n'est pas tout. Mais savez-vous ce que vient d'imaginer le duc ? Non. Sous prétexte qu'il est fatigué, il vient de me charger de recevoir les deux époux au sortir de la chapelle et de prononcer un discours. Prononcer un discours ? Oui. Enfin, me voyez-vous obligé de célébrer le bonheur de mon rival et de lui souhaiter un tas de choses que j'aurais voulu me souhaiter à moi-même et qui me passeront sous le nez. Très souvent à la devanture d'un célèbre restaurateur, on voit se montrer la figure d'un poète maigre et rêveur. Devant ses yeux brillants défilent les bécasses et les perdrix, les beaux macaronis qui filent et les desserts les plus exquis. Pomponio, tout ça passe. Mais n'entrépassez pas tout de même. Déjà revenant de l'église, il me semble les voir passer, l'époux auprès de sa promise, avec son bouquet d'oranger. Je vois sa taille si divine, ses yeux où nichent les amours, et son corsage où l'on devine les plus voluptueux contours. Tout ça passe devant moi, tout ça passe devant moi, ce n'est pas pour moi, aux cruelles lois, tout ça passe devant moi, tout ça passe. Ah, c'est atroce. Pauvre Pomponio, il me fait de la peine. Savez-vous ce qu'il vous faudrait à vous ? Un petit dérivatif. Un petit... Oh, vous croyez ? Mais j'en suis sûr. Dans votre situation, il faut absolument dériver. Oh. Il ne manque pas de jolies femmes ici. Et la première qui se présentera... Tenez ! Mais voilà justement votre affaire, cette petite qui entre là. Mais c'est Bettina, la camériste de la comtesse. Elle est bien roulée. Le fait est qu'elle est chiffonnée. Je vous le disais. Approche ici, petite. Oui, monsieur. Tu vois ce seigneur ? Oui, monsieur. Il est noble, il est séduisant, il est beau. Oh, oui, monsieur. Eh bien... Approche, petite. Il se meurt d'amour pour toi. Ah. Ça te fait-il plaisir ? Oh, Oh oui, monsieur. Oh oui, monsieur. C'est la petite. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Que voulez-vous? Quand j'étais toute petite, maman m'a appris qu'il ne fallait jamais répondre non à personne pour ne pas désobliger. Je fais ce que maman m'a appris. Eh bien, la bonne heure. Écoute, petite, à l'heure où il n'y aura plus personne ici, je puis revenir par cette petite porte dont j'ai la clé. Tu me comprends? Oui, monsieur. Alors, je serai seule. Si tu venais, nous serions deux. Comprends-tu? Oui, monsieur. Tu comprends? Oui, monsieur. Oh, monsieur, monsieur! Voilà la cérémonie terminée! La cérémonie? Eh, la cérémonie, le discours! Oh, je l'avais oublié. Oh, retombons dans ma douleur. Ah, il faudra que je dérive. Chacun, madame, à votre aspect, se dit tout bas, elle est charmante. Permettez donc, avec respect, que devant vous, je me présente. Combien je rends grâce au destin, qui fait par sa vertu divine, qu'ayant épousé mon cousin, vous allez être ma cousine. N'est-ce pas, madame? Chacun au-devant de vos pas à court, tant on vous trouve belle. Mais chaque fortune cruelle ne peut le dire que tout va. Moi plus heureux et plus malin, je puis vous proclamer divine. Puisque je suis votre cousin, je puis tout dire à ma cousine. Moi plus heureux et plus malin, je puis vous proclamer divine. Puisque je suis votre cousin, Monsieur, on n'est pas plus aimable. Ma cousine. Mon cousin. Elle est de plus en plus charmante. Mes amis, il se fait tard. Et voici le moment de conduire les mariés dans la chambre nuptiale. Je vais chercher le flambeau. Aïe. Mon cousin, deux mots. De quoi s'agit-il, Jacquet ? C'est à cause de vous que je me trouve dans cette aventure. Eh ? Il faut que vous m'aidiez à en sortir. Eh ? Arrangez-vous pour que je passe la nuit ailleurs que dans la chambre nuptiale. Ailleurs ? Mais malheureux, ta femme est charmante. Et qu'est-ce que ça me fait ? Trouvez le moyen que je vous demande. Je ne comprends pas, mais enfin, puisque tu l'exiges, rien de plus simple. Comment ça ? Tu vas voir. Voici Pompogne qui revient avec le flambeau. Avant de partir, je veux, mes amis, c'est l'usage, boire à cet heureux mariage, à cet heureux mariage. Et vous allez tous sans façon, vous allez me faire raison. Quittez les excellentes et toutes les charmantes, nous allons me faire raison. Tu vas te briser, comme un diable. Ah, le moyen est admirable. Verse, verse à tout le monde. Vivons à lui, vivons à nous. Vivons, les amis, à la ronde. Vivons à vous, vivons à tous. Plus de soucis qui nous manquent. encore. Mais comme il boit. Encore. Il va se griser. Courage, cousin. Voyons, monsieur. Dieu le bon vin. Alors, je te perds la tête. Du tout, papa, non pas si bête. Mes bons amis. Je vous aime. Il vous trouve gentil. Oui, très gentil. Voilà pris. Il est gris. Griser le soir même de ses noces. Le duc m'a fait faire là un joli mariage. Ah, ce n'est pas moi qui me serais conduit de cette façon-là. Oh non, je le crois. Et si vous vouliez m'atteindre ici tout à l'heure? Moi? Oui. Oh non, je rentre chez moi. Elle est troublée. Je reviendrai. Ils sont partis. Enfin, il ne me reste qu'une chose à faire. Reprendre mes vrais habits et profiter de la nuit pour filer. Allons. Oh, la porte qui s'ouvre encore. C'est ma femme. Je ne devrais pas revenir. Je manque absolument d'amour propre. Car enfin, un petit mari pareil et qu'on m'a imposé encore. Mais puisque je l'ai, n'est-ce pas, autant vaut... Et puis, je ne peux pas m'imaginer qu'il soit réellement gris. Allons. Soyons lâches. Monsieur, voyons, monsieur, répondez-moi. Oh, c'est donc vrai, il dort. Il dort pour de bon. Mais qu'est-ce que je lui ai donc fait? Est-ce parce que je... petite jeune fille, n'ai-je pas le joli museau? N'ai-je pas l'allure gentille? N'ai-je pas tout? Où s'en fout? Vous faites bien le difficile, mon cher époux. En vérité, je ne sais plus d'un qui plus s'habille. Il est absent, si j'en ai tort. Eh bien, madame. Eh bien, monsieur. Profitons des instants. Ils sont favorables. Vengez-vous. Oh, il le mériterait. Eh bien alors, nous sommes seuls, car il ne compte pas. Chère Bianca. Oh, capitaine. Bianca. Un instant, hein? Je suis là, moi. Et il ne dormait donc pas, celui-là? Il n'était donc pas gris? Non, je ne dormais pas. Non, je n'étais pas gris. Ah, mordiou, vous allez bien vous, hein? Silence, madame. Rentrez dans vos appartements. Comme il s'anime. Rentrez, vous dis-je, car il va se passer ici des choses qu'une femme ne doit pas voir. Comment tu veux te battre? Vous demandez raison, oui. Capit idiot. Ah, oh, non, vous ne ferez pas ça, vous ne vous battrez pas. Allez, madame, allez. Oh, qu'il est beau. Oh, c'est un lion. C'est un lion. Dis donc, petit, c'est sérieux, tu veux te battre? Tu ris? Avouez, mon cousin, que j'ai bien l'air d'un mari outragé, hein? Moi, ça n'était donc pas sérieux. Mais non, vous vous êtes bien laissé prendre, hein? Et j'avoue. Mais ce qui est sérieux, par exemple, c'est que nous allons partir. Hein? Et tout de suite, je vous amène, ce sera plus sûr. Vous êtes trop exposé ici. Ah, mais tu m'ennuies après tout. De quoi te mêles-tu? S'il me plaît de m'exposer, qu'est-ce que ça peut te faire? Mais ça me ferait de la peine. Oh, mon cousin, beaucoup de peine. Mais de quel ton tu me dis cela? Te voilà tout troublé, petit. Ah, moi? Ah, oh, non, non. Mais si, mais si. Et puis, il y a comme des larmes dans tes yeux. Positivement. Ah, ça y est. Et moi-même, me voilà tout ému. Qu'est-ce que ça veut dire? Depuis ce matin, il se passe quelque chose qui n'est pas clair. Mais enfin, autrefois, dans notre beau pays de Béarn, était-ce bien un petit garçon qui courait autour de moi? Ou une fillette blonde et rieuse. Je me rappelle comme un frôlement de petites jupes. Mais alors, Jacquet, ne serait-il pas tout simplement Jaquette? Oh, il faudrait bien qu'elle me l'avoue. Oh, pauvre de moi. Approche ici. Voilà, cousin. Montre ta main. Voici ma main. Elle est petite. Elle est tout interdite. Montre ton pied. Voilà, cousin. Il est mignon. Non, non, non, non. Ma main est faite comme une autre. Mon pied est tout pareil au vôtre. Tout pareil au vôtre. Oh. Ah, bon. Il va, son pauvre cœur comme il s'agite. Il va trop vite, il se dévore. Il va trop vite, il se dévore. Son pauvre cœur comme il s'agite. Il va trop vite, il se dévore. Son pauvre cœur comme il s'agite. Son pauvre cœur comme il s'agite. Regarde-moi. Sais-tu qu'ils sont jolis tes yeux? À quoi, cousin, prenez-vous garde? Ils ont un éclat merveilleux, et cette bouche, elle est divine. Ah, et ces cheveux, oh, mon cousin, c'est trop gentil pour un garçon. Non, non, cousin, non, non, non, non, mes yeux sont faits comme les autres, et mes cheveux. Tout dans ma façon trahit le garçon. Ne dites pas non, je ne. c'est bon, n'en parlons plus puisque ça te chagrine. N'en parlons plus, mais dites-moi, cousin, que feriez-vous dans si soudain? Je devenais votre cousine, je devenais votre cousine. Ce que je ferai, je t'aimerai, te chérirai, je t'aimerai et t'adorerai comme jamais je n'adore à sa cousine. Bien vrai, je te le promets. Alors cousin, je suis votre cousine. Non. Comment non? Regarde-toi donc, regarde-toi donc, tu n'es qu'un garçon. Tout dans ta façon trahit le garçon. Tout dans ta façon trahit le garçon. Tu n'es rien qu'un garçon, un autre garçon. Non, mon cousin, je suis votre cousine. Après une si tendre explication, Jacquette se sent mal à l'aise dans sa tenue masculine. Elle court à l'auberge revêtir son joli costume de béarnaise. Mais durant son absence, le policier Girafeau survient et c'est sous son regard soupçonneux que Jacquette, bien féminine cette fois, tombe dans les bras de Perpignac. Apercevant le policier, le capitaine souffle les chandelles. Mais Girafeau, dans l'obscurité, parvient à gagner la grande porte qu'il referme à clé de l'extérieur en criant qu'il court avertir le duc de Parme. Que faire? Sauter par la fenêtre. Perpignac s'y décide, s'élance et disparaît faisant ainsi grand. Oh non! Oh, il ne s'est fait aucun mal! Oh, le voilà qui s'éloigne. Oh, maintenant, il s'agit de moi. Oh, comment expliquerai-je ma présence ici sous ce costume? Je ne puis pourtant pas m'en aller par le même chemin. Oh! On dirait qu'on ouvre la porte. Ah, cette fois, j'espère que le capitaine est parti. La petite, oui, monsieur. Il doit m'attendre. Mais diable! On y voit goutte. Elle aura éteint. Le bruit vient de ce côté. La timidité. Voyons. Elle est si bien élevée. Oh, oh, une femme, c'est elle. C'est toi? La voix du grand chambellan. Il attendait une bonne fortune. Mais réponds, c'est toi? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oh, ben c'est Bettina. Oh, c'est lui qui va me faire ressortir. Vous avez la clé de la petite porte? Eh oui. Ouvrez-la. Pourquoi? Et pour nous en aller, donc. Et plus vite que ça, hein. Nous en aller? Tout de suite? Mais pourquoi ne pas rester ici tous les deux? Oh, mais parce qu'on va venir et on va nous surprendre. Hein? On est allé prévenir le duc. Le duc? Et il me trouverait en pareille compagnie? Mais c'est qu'il ne faut pas. Oh, mais je crois bien, filon. Ah, oh, il a compris. Trop tard, je vous tiens. Le policier. Girafeau. À moi tout. Victoire, victoire, victoire. J'ai repris la main dans le sac, le capitaine Perpignac. J'ai repris la main dans le sac, le capitaine Perpignac. Le capitaine Perpignac. Girafeau, dois-je vous croire? Le flagrant délit est notoire. Le flagrant délit est notoire. On a pris la main dans le sac, le capitaine Perpignac. On a pris la main. Mon Dieu, quel est tout ce micmac? Que livre-t-on à Perpignac? Au ciel! Oui, c'est bien Perpignac! Je venais au clair de lune de faire un tour avec Cadet et m'entassé quand vient la brille prendre l'air à avec mon palais. Hélas, je n'y puis rien comprendre. Qui donc alors viens-je de prendre ? Ciel ! Le grand chambellan ! Je crois à sa sincérité. À tout danger est écarté. Mais un pareil scandale fait gémir la morale. Il n'est qu'un remède à cela. Dès demain, on vous mariera. Comment remarier ma fille? Ne jamais être gentille. Elle est si jeune et si gentille. Épouser cet homme demain. Pouvoir m'unir à cette fille. Pouvoir m'unir à cette fille. Il est enragé, enragé